Amélie, d'abord. Amélie, comme beaucoup de petits Français, elle a des envies d'ailleurs, des envies de partir. En l'occurrence, l'Écosse. Seulement, avant le grand départ, pour 4 ans, elle doit d'abord avoir son bac dans quelques jours. Antoine Boyer pour RTL l'a suivie en pleine révision. À 17 ans, Amélie est en terminale littéraire dans un lycée de l'Ouest parisien. Jeune fille pétillante, son rire communicatif risque de manquer à ses proches. L'an prochain, elle sera normalement en Écosse pour y poursuivre des études supérieures en première année de communication et médias. J'avais déjà été refusée dans une université, du coup j'étais un peu déprimée par rapport à ça. Et quand j'ai eu la réponse positive de l'université qui m'intéressait le plus, qui est l'université de Glasgow et une des meilleures en Écosse, du coup j'étais super heureuse. Fille d'un père franco-libanais et d'une mère dont les parents ont vécu longtemps en Égypte, Amélie a aussi beaucoup voyagé. C'est vrai qu'on a une diversité de cultures dans la famille et c'est ça aussi qui a fait que j'ai eu envie de partir, de découvrir aussi du coup d'autres cultures, tout ça, parce que le côté international m'intéresse vraiment. Au fait, Amélie, pourquoi avoir choisi l'Écosse ? L'Écosse, je n'y suis jamais allée personnellement. Par les nombreuses vidéos, par les nombreux témoignages que j'ai eu des gens différents, ça a l'air d'être un pays magnifique où il y a beaucoup de différentes régions à découvrir. Et moi, c'est vrai que ce genre de pays du Nord comme ça, avec les grandes falaises, les grands lacs, les grandes étendues, j'aime beaucoup. Les frais d'inscription à 250 euros l'année universitaire, au lieu des 9000 réclamés par les facs anglaises, ont aussi pesé dans la balance. Mais la jeune parisienne reconnaît que le départ pour l'Écosse va être un peu difficile, notamment la séparation avec son petit ami Hugo, qu'elle fréquente depuis 8 mois. Et le petit copain, il ne sera pas éternellement là, mais pour l'instant, on profite. Et moi, de toute façon, je ne serai jamais restée pour un garçon à Paris, donc ça fait un petit pincement au cœur de partir. Pour être acceptée dans cette université écossaise, elle doit obtenir une excellente moyenne au bac, supérieure à 15 sur 20, soit entre la mention bien et la mention très bien.